Entebbé. Trois syllabes qui sonnent comme un cri de victoire pour les services secrets israéliens. Après l'humiliation de la guerre du Kippour en 1973, où leur vigilance avait été prise en défaut, ils montraient avec éclat 3 ans plus tard qu'ils étaient capables de monter une opération délicate et audacieuse à presque 4000 kilomètres de leurs frontières. Le Mossad redorait donc son blason et le gouvernement israélien affichait aux yeux du monde entier sa détermination de ne jamais céder au terrorisme et aussi sa capacité à agir seul lorsque ses intérêts où ses citoyens étaient menacés. Mais, nous le verrons, tout n'est peut-être pas aussi simple. Entebbé demeure donc comme un modèle de raid réussi. Des dizaines d'otages libérés, tous les pirates de l'air abattus, et un minimum de casse parmi les troupes d'élite israéliennes qui ont mené l'assaut. Un raid qui a frappé l'opinion et provoqué l'admiration de tous les spécialistes. C'est pourquoi, alors que la lutte contre le terrorisme est toujours à la une de nos journaux, Monsieur X m'a proposé de revenir sur cette opération exemplaire et d'en dévoiler quelques secrets. Ajoutons, avant de l'écouter, que la France était concernée au premier chef par cette affaire. L'avion détourné par les pirates allemands et palestiniens était en effet un Airbus d'Air France. Et nombre de nos concitoyens se trouvaient à bord. Notre diplomatie et nos services de renseignement ne pouvaient pas ne pas s'en mêler. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Le raid d'Entebbé a été l'objet de nombreux livres et même je crois, de plusieurs films. Alors, que pouvez-vous apporter de nouveau ? Vous le verrez bien. Oui. Vous avez raison, il y avait là un magnifique scénario et l'occasion de réaliser des films d'action époustouflants. Tout à fait dans le goût d'Hollywood. Toutefois, on n'a pas tout raconté. Qu'a-t-on essayé de dissimuler, alors ? La seule source de renseignements, c'était les dirigeants israéliens et leurs services secrets. Alors, ils ne pouvaient comme pas tout dire. Afin de préserver quelques secrets opérationnels, c'est ça ? Pas seulement, mais n'allons pas trop vite. Attendez, quand même. Vous pensez que les Israéliens ont un peu enjolivé cette histoire, c'est ça ? Bon, on peut difficilement leur reprocher d'avoir exploité une opération qui, sur le plan technique au moins, a été une parfaite réussite. C'est de bonne guerre, si je puis dire. Oui, oui, mais il y a des détails qui étaient très délicats de révéler. Je vous le promets, j'y reviendrai. D'accord, alors, j'aurais une question, hein, par où commence-t-on ? Par le début. Ah oui. Le détournement de cet Airbus d'Air France, ce 27 juin 1976, l'avion qui a décollé de l'aéroport israélien de Ben-Gourion, fait escale à Athènes. Et sa destination finale, c'était Paris. Ah oui. À Athènes, dont la réputation en matière de sécurité est alors très médiocre, une soixantaine de passagers montent. Lorsque l'Airbus redécolle, il y a à bord plus de 250 passagers, dont plus de 70 Israéliens, et pas mal de Français d'origine juive. Et l'équipage est aussi français, j'imagine. Oui, mais disons-le tout de suite, son comportement sera exemplaire. On en reparlera. L'avion a à peine atteint sa vitesse de croisière que les pirates se manifestent et envahissent le poste de pilotage. Qui sont-ils ? Ils sont au nombre de 4, des Palestiniens et des Allemands, dont une jeune femme. Ils déclarent agir au nom du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Ça, c'est l'organisation du docteur Abash. Oui, oui, un groupe extrémiste qui s'oppose à Yasser Arafat tout en demeurant membre de l'OLP. Le FPLP a alors à son actif plusieurs opérations terroristes, dont certaines ont été mises en œuvre. Et les revendications des pirates ? Pour l'instant, ils se contentent d'ordonner aux pilotes de gagner l'aéroport libyen de Benghazi. La Libye, donc, de Kadhafi, Kadhafi qui est l'un des ennemis les plus résolus d'Israël. Hein. Et à Jérusalem, justement, étant donné le nombre élevé de ressortissants israéliens à bord, on a très vite compris que c'est Israël qui était visé. L'Airbus se pose à Benghazi ? Oui. Et vous imaginez que les passagers ne sont guère rassurés. Mais contrairement à ce qu'ils peuvent craindre, rien ne se passe. Les pirates se contentent de récolter les passeports de tous les passagers. Et on ne sait toujours pas ce qu'ils veulent ? Non. Et après quelques heures éprouvantes pour les passagers, l'avion reprend l'air. Ouais. Ce qui veut dire que Benghazi n'était pas sa destination finale. Non, franchement, je n'en sais rien. Par contre, ce qui est certain, c'est que le colonel Kadhafi n'a pas très envie de donner asile aux pirates et à leurs otages. Peur de représailles israéliennes. Vraisemblablement. Et la nouvelle destination, quelle est-elle ? Là encore, c'est le plus grand flou. Il semble que les pirates aient voulu atterrir au Soudan, mais à Khartoum, on n'était pas très chaud non plus. C'est donc, finalement, on le sait, hein, que vers l'Ouganda que l'Airbus se dirige. Oui, et cela met en pièce l'hypothèse de la complicité originelle du sinistre Idi Amin Dada avec les terroristes. Peut-être, mais enfin, c'est peut-être quand même pas tout à fait par hasard si les pirates choisissent l'Ouganda. Vous avez parfaitement raison. Idi Amin Dada est désormais violemment anti-israélien. Parce qu'il n'a pas toujours été ? Oh que non ! Et ici, permettez-moi de faire une parenthèse. Car l'histoire des relations entre les Juifs et l'Ouganda est très curieuse. D'abord, et nous en avons parlé ensemble, souvenez-vous que les premiers sionistes ont envisagé un temps l'installation d'un foyer juif en Ouganda. Oui, c'était au début du siècle, hein, c'est ça ? Et avec le soutien de la puissance colonisatrice, la Grande-Bretagne. Ouais. Mais le projet était ensuite abandonné. Oui, alors venons-en à l'indépendance de l'Ouganda au début des années 60. Le dirigeant ougandais s'appelle alors Milton Obote. Très peu de temps après son accession au pouvoir, il signe un accord de coopération avec Israël. Et pourquoi avec Israël ? Ce jeune État africain désire s'affranchir de la tutelle britannique. Or, ses besoins sont immenses, tant en matière économique que militaire. Oui, mais Israël doit bien avoir un intérêt, là. L'État hébreu cherche un point d'appui africain au sud des États musulmans de la région. Égypte, Soudan et Somalie, surtout. Et pendant presque 5 ans, c'est la lune de miel entre les Ougandais et les Israéliens. C'est par exemple Israël qui entraîne l'armée ougandaise que commande le général Amin Dada. Mais bientôt, les relations entre les deux pays vont se distendre. Que se passe-t-il alors ? Je vais vite. Pour de multiples raisons, le régime du président Obote, en proie à une vive opposition, se radicalise ou se gauchise, comme vous voulez. La principale conséquence, c'est que ce virage à gauche met à mal l'amitié avec Israël. Obote envisage même la rupture de la coopération militaire. C'est alors qu'en 1971, profitant d'un voyage du président à l'étranger, Amin Dada s'empare du pouvoir. Il a été aidé ? Oui, ses amis israéliens l'ont puissamment soutenu, politiquement et militairement. Alors, Idi Amin Dada est donc en quelque sorte une créature israélienne ? Exactement. Et les Israéliens respirent, car ils craignaient une réaction en chaîne dans d'autres pays africains où ils avaient des conseillers militaires. Alors, la lune de miel recommence. C'est cela, oui. Et Idi Amin Dada se voit offrir un superbe jet qui lui permet de se rendre 3 fois en un an en Israël. Pourtant, pense. Amin Dada a déjà une très très mauvaise réputation, non? Tout à fait. Dès son arrivée au pouvoir, ce colosse sanguinaire décime tous ses opposants. On a prétendu qu'ils jetaient leurs cadavres aux crocodiles. C'est parfaitement vrai, mais les Israéliens ferment les yeux, sont avant tout des réalistes, ainsi qu'ils soutiennent l'Afrique du Sud de l'apartheid. Et en Ouganda, où ils ont reconquis toute leur position, ils sont omniprésents dans beaucoup de domaines, mais Idi Amin Dada en veut toujours plus. Toujours plus, c'est bien. Il demande par exemple à l'État hébreu de procéder à un réarmement généralisé de l'armée ougandaise. Réaction d'Israël? Jérusalem refuse. C'est le signe d'un premier refroidissement entre les deux pays. Ensuite, il y aura la détérioration progressive de l'économie ougandaise. Le pays est de plus en plus endetté et Israël, qui figure au premier rang des créanciers, commence à penser que l'Ouganda lui coûte très cher. C'est ainsi que les relations vont peu à peu se détériorer? Oui. Alors Amin Dada se livre à ce qui apparaît comme des manœuvres de chantage. D'abord, il ordonne à son représentant à l'ONU de voter en faveur d'une résolution demandant l'évacuation des territoires occupés par Israël. Puis il va nouer des liens de plus en plus étroits avec le colonel Kadhafi. Bref, à terme, c'est la rupture avec Jérusalem. Tous les Israéliens présents en Ouganda sont priés de rentrer chez eux. Un an à peine après le putsch du dictateur ougandais. C'est un échec pour Jérusalem. Incontestablement, mais avec l'imprévisible chef d'État ougandais, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. En tout cas, ça signifie qu'Israël doit reconsidérer une partie de sa politique africaine et bientôt, vous le verrez, Jérusalem se trouvera un autre pays allié dans la région. Alors revenons, il est temps maintenant, au détournement de l'Airbus d'Air France. Oui. L'avion atterrit donc en pleine nuit sur l'aérodrome d'Entebbe. Donc, à nouveau dans un pays hostile à Israël. Et Idi Amin Dada, lui, ne s'est à aucun moment opposé à ce que les pirates de l'air choisissent son pays. Franchement, pourquoi? Parce que c'est une opération anti-israélienne? Pas seulement. Il voit là l'occasion de jouer un rôle sur la scène internationale, peut-être même le rôle de sa vie. Expliquez-moi ça. Haï par une bonne partie de l'Afrique et de l'opinion occidentale, il va se poser en médiateur. Pour des raisons humanitaires, prétend-il. Mais en réalité, il mène un double jeu, car à Entebbe, Amin Dada va être le meilleur allié des terroristes. Reporter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. Bouffon sanglant, nouveau roi Ubu, cancer de l'Afrique, les épithètes n'ont pas manqué pour qualifier le dictateur ougandais aujourd'hui réfugié en Arabie Saoudite. Il ne faut pas en effet oublier qu'originaire d'une tribu du Nord, Amin Dada est de religion musulmane. Ainsi, je lis dans Le Monde du 11 avril 1999, sous la signature de Jean-Pierre Langelier, ce paragraphe sur ses débuts au pouvoir. Sous de faux airs de géant débonnaire, Amin est un tyran psychopathe, avide et manipulateur. Tour à tour, jovial et sanguinaire, il alterne crises de rage et phases de dépression. Les massacres commencent, la terreur s'installe. Plusieurs centaines de soldats à Cholis-Langis sont décimés à la mitrailleuse dans la caserne de Mbambara. C'est le début d'impitoyables purges au sein de l'armée. Amin s'enfonce dans le crime. Au fil des ans, reviendront les mêmes images, les mêmes mensonges, les mêmes récits de survivants. Prison aux murs rougis du sang des torturés, cadavres flottant sur les rivières, crocodiles rassasiés de chair humaine, liquidation maquillée en accident de voiture. Amin, dont l'islam reste fortement empreint d'animisme, aime converser avec les têtes coupées de ses ennemis. En mars 1972, l'impulsif général commet sa première grosse bévue. Ayant obtenu de généreuses promesses du colonel Kadhafi, il rompt avec Israël, jusqu'alors le meilleur allié de l'Ouganda, qui lui accorde un tiers de son aide totale à l'Afrique. 500 ressortissants de l'État juif, conseillers militaires, experts, diplomates, ont 4 jours pour faire leurs valises. Devenus pourfendeur du sionisme, Amin juge les Israéliens pire qu'Hitler. N'ont-ils pas voulu empoisonner le Nil ? Sans commentaire. Mais les passagers de l'Airbus sont à peine arrivés à Entebbe et installés dans l'ancien aérogare qu'Amin Dada en personne vient les voir. Vous dites installés dans l'ancien aérogare, ça veut dire que les Ougandais les ont autorisés à débarquer. Hein. Et que des soldats ont donné un coup de main aux pirates, c'est la vérité. Plus tard, on verra même ces militaires ougandais remplacer les terroristes. Le temps pour ceux-ci d'aller se reposer ou même d'aller se baigner dans le lac Victoria tout proche. Il y a donc, selon vous, une totale complicité entre les Ougandais et les pirates. Incontestablement. Une autre question avant de parler de cette surprenante visite d'Amin Dada aux otages. Sait-on enfin ce que veut le commando du FPLP ? Oui. Les pirates de l'air demandent la libération de plusieurs des leurs. Des hommes, palestiniens ou non, emprisonnés en Israël, mais aussi en Allemagne, en France ou encore au Kenya voisin. Et si on refuse leurs exigences ? Ils menacent d'exécuter leurs otages. Ils sont en effet puissamment armés. Et les membres du commando initialement présents dans l'avion ont été rejoints à Entebbe par d'autres activistes du FPLP. Et toujours avec la complicité des Ougandais. Naturellement. Ouais. Alors, la visite d'Idi Amin Dada ? Oh, la scène est énorme, tout énorme. Comme le personnage. En uniforme, le maréchal docteur Amin Dada, comme il aime à se faire appeler, salue les otages terrorisés par un tonitruant shalom. Puis, dans un anglais douteux, il affirme que s'il soutient le FPLP et condamne Israël et le sionisme, il juge que les otages sont innocents. Par conséquent, il va tout faire pour assurer leur sécurité. Ça ne me paraît pas très crédible. Bien sûr que non, mais il n'empêche que les otages applaudissent Amin Dada. Surprenant. Sans doute. Mais il faut se mettre dans la peau de ces malheureux, prêts à se raccrocher au moindre espoir. D'autant que la suite n'est guère rassurante. En effet, dans les 2 jours qui suivent, les terroristes opèrent une première sélection parmi les otages. Et une petite cinquantaine d'entre eux est libérée et aussitôt autorisée à partir pour Paris. Et sur quelle base cette sélection-là ? C'est sordide. Seuls sont libérés des non-juifs. Et pour ceux qui restent et qui sont parfois des rescapés des camps de la mort nazie, vous imaginez ce que ça leur rappelle. En effet, oui. Et c'est là que je voudrais insister sur la dignité et le courage de l'équipage d'Air France. Car pilotes et hôtesses refusent d'abandonner les otages. Alors qu'ils en avaient la possibilité ? Tout à fait. Mmh. Oui, en effet. Et comment réagissent alors les gouvernements concernés directement par les exigences des terroristes ? Comme dans tout ce genre d'affaires, les dirigeants occidentaux se récrient, pas question de céder, mais en réalité des négociations commencent très discrètement et des dirigeants arabes sont priés de s'entremettre. Et le gouvernement israélien ? C'est Yitzhak Rabin qui est aux commandes et Shimon Peres est son ministre de la Défense. Officiellement, Israël fait savoir qu'il n'est pas hostile à une libération de quelques-uns des prisonniers palestiniens qu'il détient. Et Rabin encourage en particulier la France à mener des négociations avec les terroristes. Ce que fait d'ailleurs notre ambassadeur en Ouganda. Là, ça, dites-moi, c'est complètement contraire à la politique traditionnelle des Israéliens. C'est pourquoi je vous ai dit officiellement. En réalité, dès le départ, ils ont décidé d'agir en force, mais il leur faut gagner du temps. D'autant qu'au fil des jours, les pirates de l'air se font de plus en plus violents et menacent de commencer à exécuter un par un les otages. Ou bien encore de se faire sauter dans l'avion avec tous leurs otages. Ouais. Alors, pour vous, ces négociations sont donc une mystification ? Évidemment, je vous l'ai dit, il faut faire traîner les choses. Le temps de préparer une opération armée qui permettra de libérer les otages. Et rien n'est négligé. Un certain Barlev, qui était le chef des conseillers militaires israéliens en Ouganda, téléphone à plusieurs reprises à son ami Idi Amin Dada. Son ami, vous n'exagérez pas un peu là ? Sans doute, mais Amin Dada, lui, était vraiment persuadé que ce Barlev était demeuré son ami malgré la rupture entre leurs deux pays. Donc, l'Israélien discute avec le dictateur ougandais et il le flatte. Ouais, c'est-à-dire que comment... Barlev met en valeur l'importance de la médiation d'Idi Amin Dada. Il ose même lui dire que s'il sauvait les otages, il recevrait certainement le prix Nobel de la paix. Ouais, tout de même... Vous avez raison. Mais ça marche. Amin Dada se rengorge, on le considère enfin comme un grand homme, sa stature internationale est reconnue et ses crimes oubliés. D'accord, mais enfin, à quoi ça sert ? Enfin, je veux dire, est-ce que la bonne humeur d'Amin Dada rejaillit sur l'attitude déterminée des terroristes ? Eh bien oui. Confortés par le dictateur, les pirates de l'air ont accepté de repousser leur ultimatum de 3 jours et ils ont à nouveau libéré des otages, ne gardant avec eux que les Juifs et les Israéliens, c'est-à-dire une centaine de personnes. Plus l'équipage français. Naturellement. Et c'est vrai, les terroristes semblent plus décontractés. Ils trinquent avec les soldats ougandais. Ils pensent qu'ils vont gagner ? Oui. Et l'action psychologique de Barlev auprès d'Amin Dada a certainement joué positivement. C'est d'autant plus important que dans ce climat, les terroristes sont aussi moins vigilants. Ouais. Mais je voudrais revenir un instant derrière. Vous avez dit que la diplomatie française a été impliquée dans l'affaire. Notre ambassadeur, oui, qui agissait sur ordre. Ouais, mais justement, est-ce qu'à Paris, on savait que les Israéliens ne songeaient nullement à céder aux terroristes ? Je le pense, mais il fallait faire semblant. Donc laisser les mains libres à l'État hébreu ? Oui, mais bien entendu, il ne fallait pas le crier sur les toits, ouais. Surtout que Paris prenait bien garde à ne pas paraître s'aligner sur Jérusalem. Donc on a joué là une sorte de partie de poker menteur. Non, c'est persuadé. Car je peux vous le dire, dans les services, personne ne doute alors que les Israéliens vont tenter une opération de force, même s'ils affirment le contraire. Alors pendant tout ce temps, ils se préparent. Bien sûr, dans le plus grand secret. Et ils prennent le maximum de précautions pour mettre au point cette opération extrêmement risquée. L'objectif étant d'épargner au maximum la vie des otages. Et celle des militaires israéliens. C'est pas de soi, oui. Au départ, je dois dire que les Israéliens bénéficient d'une chance presque inespérée. Ce sont des architectes israéliens qui ont construit en partie l'aéroport d'Entebbe au temps de la lune de miel avec l'Ouganda. Ça signifie qu'ils en connaissent donc parfaitement les plans ? Et ils peuvent élaborer un projet d'attaque très, très précis en tenant compte de la disposition des lieux et des bâtiments. Mais ça ne suffit pas encore. Des agents du Mossad se rendent à Paris et ils interrogent les otages libérés. Il s'agit de tout savoir sur les terroristes, leurs armes, leur attitude, leurs habitudes. Les militaires israéliens ont-ils procédé à des répétitions d'attaques Vraisemblablement, oui. Les troupes d'élite sélectionnées pour participer à l'opération se sont longuement entraînées avant le jour J. Il faut ajouter que l'état-major israélien avait déjà prévu un tel scénario. C'est-à-dire une intervention armée dans un pays lointain. Oui, un raid destiné à capturer des ennemis ou à sauver des otages. Par conséquent, Israël n'a pas été totalement pris au dépourvu, mais pour être tout à fait efficace, les officiers qui allaient diriger l'opération devaient aussi disposer de relais sur place. De correspondants ? Non, d'hommes capables de pénétrer en territoire ougandais et de livrer des informations encore plus précises que celles qui avaient déjà été obtenues. Et là, nous touchons à l'un des principaux secrets de l'opération Entebbe. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Monsieur X affirme que le gouvernement israélien a décidé très tôt d'intervenir militairement pour sauver les otages. Ce n'est pas tout à fait l'avis de Gordon Thomas, auteur d'un ouvrage paru en 1999, Les ombres du Mossad. Voici ce qu'il écrit à propos des premières discussions au sein du gouvernement. Plusieurs ministres se montrèrent favorables à la libération des prisonniers de l'OLP. le Premier ministre Rabin brandit un rapport du Shin Bet pour prouver l'existence d'un précédent en matière d'élargissement de condamnés. Le chef d'état-major, Mordecai Gur, dit qu'il ne pouvait recommander une action militaire en raison du manque de renseignements en provenance d'Entebbe. Tandis que ces délibérations angoissées traînaient en longueur, la nouvelle tomba que les passagers juifs avaient été séparés des autres, ces derniers ayant été libérés et volant déjà vers Paris. C'était l'ouverture qu'attendait le Mossad. Sentant que son heure de gloire était arrivée, Yitzhak Offi, le nouveau directeur général du service, plaida avec force en faveur d'une opération de sauvetage et dépoussiéra le plan mis au point par Rafi Etan pour capturer Eichmann. Il existait certaines similarités. Etan et ses hommes avaient opéré loin de leur pays, dans un environnement hostile. Ils avaient improvisé en utilisant constamment une bonne dose de Hutzpa, le fameux culot juif. On pouvait appliquer cette recette. En nage, la voix rauque à force de parler, Offi promena un regard circulaire sur les membres du cabinet. En laissant mourir les nôtres, nous ouvririons les portes à un nouveau massacre. Aucun juif ne serait plus jamais en sécurité nulle part. D'outre-tombe, Hitler aurait remporté l'ultime bataille. D'accord, lâcha Rabin, on tente le coup. Le livre de Gordon Thomas a été publié en France aux presses de la Cité. L'une des principales craintes de l'état-major israélien, c'était la possible présence sur place de commandos de l'OLP. Les Palestiniens. Hein, oui, ouais. Des hommes aguerris qui opposeraient une vive résistance, autrement plus importante que les soldats ougandais. Il fallait donc s'assurer qu'ils n'étaient pas là. Mais pourquoi y aurait-il eu des commandos palestiniens en Ouganda ? En 1972, après l'expulsion des Israéliens, Idi Amin Dada avait offert aux Palestiniens d'ouvrir une tête de pont africaine dans son pays. Et le drapeau de l'OLP a flotté sur l'ancienne ambassade de l'État hébreu. Ouais. Donc, encore une fois, ce n'est pas tout à fait par hasard que les pirates de l'air avaient choisi de se poser en Entebbe. Hein. Nous en avons déjà parlé, même si ce n'était certainement pas la destination qu'ils avaient d'abord envisagée. Ils étaient certains d'être bien accueillis en Ouganda. Ouais. Alors, les Israéliens, là, ceux que vous avez appelés les relais, là, devaient vérifier sur place s'il y avait ou non des commandos de l'OLP dans les parages d'Entebbe. Mais pourquoi m'avez-vous parlé d'un grand secret ? Parce que les gens du Mossad ne pouvaient opérer qu'à partir d'un pays voisin. Oui, et avec la collaboration, sinon la complicité de ce pays. Voilà, vous avez trouvé. Et le pays qui était le mieux placé parce qu'il se trouvait de l'autre côté du lac Victoria, c'est-à-dire tout près d'Entebbe, c'était le Kenya. Or, le Kenya, qui était encore dirigé par son vieux leader historique Jomo Kenyatta, n'entretenait officiellement aucun rapport avec Israël. Pour quelle raison ? Le Kenya avait rompu ses relations diplomatiques avec l'État hébreu après la guerre du Kippour en 1973. En fait, peu à peu pour Israël, ce pays avait pris la place de l'Ouganda. Les Israéliens y avaient de nombreux intérêts. Le Mossad avait même fait de Nairobi l'un de ses trois centres stratégiques en Afrique. Les Israéliens étaient donc quasiment chez eux au Kenya. Disons qu'ils bénéficiaient d'un préjugé favorable. En outre, ils étaient soutenus par le seul ministre blanc du gouvernement kenyan, un homme d'affaires d'origine britannique, qui entretenait les meilleurs rapports du monde avec Israël. Je vois ce que vous voulez dire, un agent du Mossad. Ça ne m'étonnerait pas outre mesure, mais il était aussi très lié au service britannique. En tout cas, pendant la crise d'Entebbe, il s'est rendu en Israël. Comme par hasard. Et bien entendu. Enfin, comprenez bien, les relations privilégiées du Kenya et d'Israël devaient rester secrètes. Car les Kenyans s'étaient politiquement rangés du côté des pays qui avaient condamné l'État hébreu. Mmh. Donc, le Kenya va héberger discrètement des agents israéliens en vue de l'opération Entebbe, hein, c'est oui, ça ? Oui, des jeunes gens sportifs et musclés arrivent très vite et ils s'installent dans une planque des services secrets kenyans. Et certains d'entre eux vont traverser le lac Victoria pour faire une reconnaissance nocturne en territoire ougandais. Et du côté d'Entebbe. Naturellement. Et ils constatent avec soulagement qu'il n'y a nulle présence de commandants palestiniens. Ils ne s'en tiennent pas là. Ils inspectent aussi les lieux et ils donnent de précieuses informations aux deux officiers qui vont commander leur aide sur Entebbe, le colonel Shomron et le lieutenant-colonel Netanyahou. C'est le frère du futur premier ministre israélien. Et vous savez sans doute qu'il trouvera la mort lors de l'assaut. Ce sera d'ailleurs le seul militaire israélien tué au cours du raid sur Entebbe. Alors, il est peut-être temps maintenant de revenir à l'action proprement dite. Et là encore, il va falloir revoir la version officielle de cette affaire. Quand je dis version officielle, c'est celle qui a été donnée par Israël, parce qu'elle ne tient pas vraiment debout. Bon, donnez-moi quand même d'abord cette version officielle, comme vous dites. Volontiers, alors écoutez. En pleine nuit, le 3 juillet, une semaine donc après le détournement de l'Airbus, un Boeing 707 israélien se présente au-dessus de l'aérodrome d'Entebbe et son pilote demande l'autorisation d'atterrir. Sous quel prétexte ? Le pilote prétend qu'il transporte des prisonniers palestiniens dont le commando a exigé la libération. Oui, ça paraît crédible. Oui et non. Non, parce que les types qui se trouvent dans la tour se demandent quand même pourquoi les autorités ougandaises ne les ont pas prévenus. Alors ils essayent de se renseigner avant de répondre aux pilotes du Boeing, mais bizarrement, le système de communication avec leur supérieur ne fonctionne pas. Il a été saboté, c'est ça. Naturellement, vous verrez pourquoi. Enfin, poursuivons. Les aiguilleurs du ciel, qui n'ont toujours pas autorisé le Boeing à atterrir, voient un gros avion se poser sur la piste principale. Il est bientôt suivi par deux autres. Ce sont des avions cargo, des Hercules C-130. Ouais, ce sont de gros appareils militaires. Oui, ensuite tout va très vite. Le premier avion est à peine immobilisé quand descendent des véhicules. Deux 4x4 et une grosse Mercedes qui se dirigent vers l'aéroport. Une Mercedes, là, pourquoi vous insistez sur ce détail-là? Il s'agit de faire croire un instant aux soldats ougandais qui surveillent les lieux que c'est le président Idi Amin Dada qui vient d'arriver dans sa Mercedes. Mmh. Le dictateur devait en effet revenir de l'île Maurice où se tenait un sommet de l'Organisation de l'Unité Africaine. Et le subterfuge marche, hein? Oui, et lorsque les Ougandais réalisent, il est trop tard, ils sont immédiatement abattus. Dans le même temps, des troupes débarquent d'un autre Hercule qui s'est posé non loin de l'ancien aérogare. Donc là où sont détenus les otages. C'est ça, et aussitôt, c'est l'assaut. La fusillade est intense, les terroristes qui montaient la garde sont éliminés, les uns après les autres. Mais au cours de ces échanges, quatre otages vont trouver la mort. Et donc également le frère de Netanyahou. Oui, il a été tué par un soldat ougandais dissimulé dans la tour de contrôle. Ça veut dire que les militaires ougandais ont donc composé une certaine résistance? Certains, en effet, se sont battus vaillamment, mais ils n'étaient pas de force. Et pas assez nombreux non plus pour lutter contre le commando israélien puissamment armé et bien entraîné. Et une trentaine d'entre eux seront abattus. 30 soldats ougandais, ouais. D'autres soldats ougandais basés dans un camp voisin de l'aéroport auraient pu intervenir, mais ils étaient désarmés. Désarmés, c'est-à-dire pourquoi? Idi Amin Dada, n'oubliez pas qu'il avait pris lui-même le pouvoir en profitant d'un voyage de son prédécesseur à l'étranger. Alors, lorsqu'il voyageait, il prenait la précaution de faire désarmer la troupe. Erreur fatale. En effet. En tout cas, 50 minutes après l'arrivée des Hercules C-130, otages et parachutistes israéliens sont à bord des avions qui redécollent immédiatement. C'est une action éclair. Hein. Et du point de vue militaire, un succès incontestable. D'ailleurs, le commando de retour en Israël recevra un accueil triomphal. Mmh. Mais j'oubliais un épisode. Un épisode qui est une des clés de cette affaire. Avant de repartir, les parachutistes israéliens ont détruit à la grenade les MiG de l'aviation ougandaise qui étaient stationnés là. Une douzaine de chasseurs qui étaient la fierté d'Amin Dada. Il voulait éviter que ces MiG ne les prennent en chasse, non? Non, pour ça il aurait suffi de crever les pneus des appareils. Alors pourquoi? Ça faisait partie du marché passé avec le vieux Kenyatta. Le président kényan avait accepté d'aider les Israéliens à condition que le commando chargé de sauver les otages fasse aussi sauter les MiG de son encombrant voisin. Parce qu'il se sentait menacé par Idi Amin Dada? Avec un type aussi fantasque, tout était possible. Mm-hmm. Mais de quelle façon exacte le Kenya a-t-il aidé Israël? Vous m'avez dit que les Kenyans avaient accepté que des agents israéliens débarquent discrètement à Nairobi, c'est ça, hein? Mm-hmm. C'est tout? Non. Ce que je vais vous raconter contredit la version officielle donnée par les autorités israéliennes. La veille du raid, alors qu'à Tel Aviv, on faisait encore croire qu'on allait donner satisfaction aux pirates de l'air, un Boeing israélien s'est posé à Nairobi. C'était un avion hôpital. Un vrai? Oui. Et l'arrivée de cet avion n'était nullement suspecte. Après tout, son équipage pouvait être chargé de recueillir des otages libérés par les terroristes. Oui, ça, c'est vrai, ça. Et après le raid, des blessés seront soignés dans cet hôpital volant. Mais le Boeing n'avait pas à son bord que des médecins et des infirmiers. Ouais, je pense que vous voulez dire, il y avait aussi des soldats. Hein. Oui, une cinquantaine. Des hommes qui ont débarqué dans le plus grand secret et qui ont aussitôt gagné les rives du lac Victoria. Pour traverser le lac, se diriger vers Entebbe. C'est exactement ça. Oui. Et ce sont ces soldats qui ont anticipé l'action des commandos débarqués par les Hercules. Anticipé, comment? Ils ont saboté les systèmes de transmission ougandais et sans doute éliminé quelques soldats qui auraient pu s'opposer à l'atterrissage des avions cargo. Sinon, comment expliquer que l'arrivée de ces trois gros avions soit passée presque inaperçue et n'ait pas déclenché l'alerte? Non. La vérité, c'est que des hommes au sol avaient préparé le raid. Je veux bien vous comprendre. Enfin, pourquoi dissimuler leur présence? Pour ne pas compromettre le gouvernement kényan avec lequel Israël entretenait de si bonnes et si discrètes relations. La vérité officielle devait être que les Israéliens avaient agi seuls. Une version qui d'ailleurs ne pouvait qu'accroître le prestige militaire d'Israël, mais l'opération a été coûteuse en vie humaine. Ouais, les soldats ougandais tués, c'est oui, ça? Oui, même si ceux-là ont été assez vite oubliés. Mais il y a eu surtout la vengeance d'Idi Amin Dada. Le dictateur humilié, foudrage, incapable d'atteindre Israël, a multiplié les exactions dans son propre pays, une véritable tuerie. Il est vrai que malgré la rupture des relations diplomatiques entre Israël et le Kenya en 1973, les deux pays ont toujours été très liés. Et on en a peut-être eu une illustration spectaculaire lors de l'enlèvement au Kenya du leader kurde Öcalan en 1999. Une capture qui aurait été réalisée par les Turcs en collaboration avec les services israéliens et avec l'assentiment des Kenyans. Mais Monsieur X nous en parlera peut-être un jour. Enfin, mon interlocuteur a parlé de la vengeance d'Amin Dada. Dans son livre « Qui est Idi Amin Dada ?» paru aux éditions de l'Harmattan, Denis Repas écrit par exemple ceci. « La répression qui suit le raid d'Entebbe est encore plus féroce peut-être que les précédentes. Les premiers à payer les erreurs d'Amin Dada sont justement les contrôleurs aériens. Non seulement ceux qui étaient de service pendant cette fameuse nuit du samedi au dimanche, mais d'autres aussi qui n'ont eu d'autre tort que de faire partie de la même corporation. Puis un peu partout dans le pays, les massacres reprennent, plus ou moins ordonnés par Amin, qui n'a jamais eu si peur de perdre le pouvoir après une humiliation aussi fabuleuse. Le crime le plus odieux peut-être est commis contre une vieille dame blanche qui devint très vite célèbre dans le monde entier, justement parce qu'elle était blanche, vieille et innocente. Denis Repas veut parler de Dora Block, otage des pirates de l'air et qui était hospitalisée lors du raid. Restée à Entebbe, elle a été assassinée sur ordre d'Amin Dada. À samedi prochain, et je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez aussi réécouter des émissions plus anciennes, ça vous coûtera 2 euros. Et si vous voulez les télécharger, ce sera 8 euros.